or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, Romain. Comment ça va? Eh bien, ma foi, ça va. Yeah. Fidèle au poste. That's good. Yes. Yeah. How about you? Traffic was wonderful when I came here. True. And this morning, actually, going to the office, because I still go to the office once in a while, being IT, it was the fastest between my house, between my place and downtown. But you know that you still have to stop at stoplights. I know, and I cannot drive above the speed limit and things like that. But still, I mean, like, the map, Google Map, was telling me it was going to be 14 minutes. Yeah. On average, it's like with traffic during rush hour when it's not bad, it's closer to 25. So 14. That's pretty good. Yeah. Even without traffic, typically it's closer than 20. So yeah. So yeah, that was. I didn't go out today. I went in the office, kind of hide myself, and you know, had everything. But it was pretty quiet. There was very few people in the office. Most of the people are working from home now. Yeah, like me. Yeah. But they still need one in the office in case something breaks. Of course. And you're the one. Well. Well, they're in trouble. Yeah. How do you know that? All right. So. Well, tonight we have a special, I mean, we have a couple of songs that are dedicated to people who passed away today. So today we learned that Uderzo. One of the two dads of Asterix. Yeah. Asterix Obelix. That was Goscinny and Uderzo. And Goscinny passed away a few years ago. And Uderzo, actually today. Yeah. Well, it was 92. Yep. So we're going to play a song about Asterix and Cleopatra. And we heard this song a while ago. It was Quand l'appétit va, tout va. And it means when the appetite is going, everything is good. So it's a very uplifting song. The other song we're going to listen to is Makossa Blow. And it's from Manu Dibango. Who passed away today too. Exactly, at 86. Yeah, and he had apparently COVID-19. Yeah. So, great musician. I mean, he put, you know, Africa in front of the scene, and we're gonna listen his saxophone. Yeah, we're gonna listen to his most famous song. Then after that, we're gonna listen to more songs, of course, because that's not gonna be the end. And Well, yes, actually, they are both like 46 minutes long. So. Okay, yeah, that's one way to say things. But I have a playlist about confinement and a lot Shelter of... Shelter in Place. Yeah, yeah. And a lot of the songs are coming from Lina. So tonight we were supposed to have Lina and Megan from Vistas in Education to talk to us about not only their business, but the fact that, you know, they are gearing to get some kids. Yeah. Their exchange programs. And the teenagers, getting some French teenagers here and finding some families. Well, they're still, right now, they still would want to do that. But it's still a big question mark. Yes. And in the studio, we have been asked to limit the number of people at one time. That's why it's just the two of us. Exactly. Because we already contaminated each other, if so. So Lina did most of the selection, and a lot of the selection are coming from France and are things that are that were requested by people from the Facebook group, Confinement. They have a Facebook group and they share music and they Is it the Facebook group, the apéritif du confinement? I don't know that it's apéritif. Because I'm a member of that and like within 24 hours, they reach close to 200,000 members. It's something like that. I mean, the goal is still to share, you know, music and to kind of socialize and be this, you know, distracting, like we did last night. Last night we did an aperitif with Adrien and Kelly, and that was fun. It was. And it's actually much more fun than being than seeing you guys in person. Well, that's your opinion. I mean, I like to see Adrien. I don't know what you have against him, but yeah, well, okay. Yeah. All don't right. Like well, him. We're gonna play some music now. That's what we are here for. Yes. And so the first song we're going to play, as I was saying, is Quand l'appétit va, tout va, Astérix et Cléopâtre.

Sideshow. Sembana tanga digo umbu satanga jesa dilambo mwasa Yen de sadi la bonambua, mwasa. Voilà, nous sommes de retour. Exactement. We're back after listening to Asterix, Obelix and Manu Dibango. Exactly. So the last one we listened to was Makossa Blow. And before that, it was Asterix and Obelix with Quand la petite va, tout va. I remind you that if you go to KFI.org, you can listen to us at any time because there's a player coming up. But on the right side of the page, there's a button or an icon called playlist. Mm-hmm. And that's where you can see the song as we play them, we enter them in a place called Spinitron. Mm-hmm. And so, you know, if later on and at the end of the night, everything stays. So if you want to listen to the show again or say like, you know, around 9 o'clock, there was a song that I really like, you can always go to the playlist. All right. So now we're going to... What's next? Well, we're going to start with the list that Lina asked for. So the first song we have on that list is a 2-minute song, but it's a nice song. It's the national anthem, mm-hmm, called La Marseillaise. And then we're going to listen to... I think we're going to do a series of four. We're going to listen to Le Petit Bal du Samedi Soir, mm-hmm, Saturday Night's Little Ball. Mm-hmm. And it's from Johnny Montreuil. And he did that just with his guitar in front of, when he was confined. Yeah. So. And by the way, on Instagram in particular, you have all, I follow quite a few singers, and mm-hmm, and every day they sit in front of their camera and sing a song. So like M does that in his living room. Benjamin Biolay, yeah, every day. He picks a song. I think today was La Ballade de Jim. D'Alain Souchon? Or it could be Serge Gainsbourg, just alone with his guitar in front of his computer. I've seen the one from M. I posted it on the mm-hmm, Facebook page of Bonjour Minnesota. Yeah. So yeah, it's pretty cool. And there's also like Fabrice Lucchini, who reads Fable de La Fontaine. And so, you know, there's a kind of spirit, yeah, that, well, you know, pulls people together. And I think it's... I don't know if you've seen the keyword, but their keyword is, you know, pound and on reste ouvert. Mm-hmm. You know, we stay open. Yeah. And that's the motto for most of the artists, yeah, who keeps giving performance. On reste ouvert. Yeah, hashtag. Yeah. Mm-hmm. And and it's the same here too. And one of the things, I mean, I know that Benjamin Biolay and M don't really need that much because mm-hmm, they are pretty famous. So is Lucchini. But yeah, in the Twin Cities, there's a lot of local artists like Katie Vernon, yeah, Amanda Grace, or, you know, Sarah Morris. They do that, and they really hope that you guys are going to use PayPal and you know, yep, help them, mm-hmm, help them financially, because yep, most of their revenues are coming from their gigs. Biolay, and the point is not for them to make money. Yeah, yeah, that's really like to tell people, you know, we are here too. Yeah. We're in the same boat, and here's you know, for the next 3 minutes, you're going to think about something else and just listen to I totally agree. Music, yeah. And it's their goal too in the Twin Cities, but yeah, most of... No, but I understand. Yeah, most of them also really... It's like small businesses. You have to support them, yeah, the way you can and get, you know, your coffee. Since we're not completely, you know, confined yet, yeah, can still go get... the other day we went to our favorite pastry shop to get our croissant Sunday morning. Nice. And, you know, that also shows that you support them and not only when everything is going well. And right. Yeah. And I think big structure have also more financial shoulders to weather the storm, where, you know, small independent grocery stores or, mm-hmm, or coffee shop or things like that have, I mean, they rely more on people. Yeah. Yeah. All right, so we're going to listen to La Marseillaise, Johnny Montreuil, voilà, mm-hmm, Le Petit Bal du Samedi Soir, and then we're going to listen to Gautier sans H, mm-hmm, because Gautier normally has an H in T-H-I-E-R. Yeah, but no, it doesn't, yeah, and so it's part of his name, Gautier sans H, Gautier, mm-hmm, without H, and it's Garo Covid, and it's a parody of Garo Gori de Georges Brassens, mm-hmm, but with the lyrics about the virus. And another one from Guédry, avec SVP. And Giedrė is originally from Lithuania, and she's been around for probably close to 10 years now, and she's just, you know, there with her guitar, and her lyrics are just... Yeah, she's a hoot. Yeah, she's very good. And some songs are what you would call here, I don't know if you would say inappropriate, but a lot of, you know, black humor and stuff that here, well, not inappropriate, they would be politically incorrect. Yeah. But I really like her. She's good. She arrived in France when she was 11. Okay. Right. All right. Yeah, because she still looks pretty young. I mean, she's in her mid-20s, right? Yeah, maybe like close to 30. But yeah, in that... All right. That range. All right. On y va. C'est parti, mon kiki. Faubourg tout chargé d'amour près du pont de la Villette. Un soir je traînais, un refrain traînait, un air de valse musette. Comme un vieux copain me prenant la main, il m'a dit bien. Pourquoi le cacher ? Ma foi j'ai marché et j'ai trouvé. Le petit bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir dans ce lit midinette. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez bonsoir. Mais du bonheur plein les yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis rentré dans la fête, l'air digne et le cœur joyeux. D'ailleurs, il ne manquait rien, il y avait tout ce qui convient, des moules et du vin rouge. Au troisième flacon, ça bouge, au quatrième, on est bien. Alors, il vaut mieux s'asseoir, le patron vient vous voir et vous dit, c'est la mienne. Et c'est comme ça toutes les semaines, au petit bal du samedi soir. Vous l'avez deviné, j'y suis retourné, maintenant je connais tout le monde. Victor et Tutti, Fernand le tout petit, Nene et Mimi la blonde. D'ailleurs de beaux yeux, y'en a tant qu'on veut, ils vont par deux. Et flac dans les coins, on est aussi bien qu'au tabarin. Au petit bal du samedi soir, où le turpin d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur plein les yeux de tous les amoureux, ça m'a touché ces bêtes. Quand l'accordéon s'arrête, ils vont s'asseoir deux par deux. De temps en temps, un garçon pousse une petite chanson, ça fait rêver les filles. Dans le noir, y a des yeux qui brillent, on dirait des petits lampions. Oui, des lampions merveilleux, du carnaval joyeux, de la fête éternelle. On sert un peu plus sa belle, au petit bal du samedi soir. Un dimanche matin, avec Baptistin, c'est le patron de la guinguette. On s'est attablé et nous avons joué au chemin de fer en tête à tête. Comme il perdait trop, il a joué le bistrot, j'ai dit banco. J'ai gagné ma foi et depuis 3 mois, il est à moi. Le petit bal du samedi soir où le carpin d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous savez bonsoir. Oui, des bonnes bonnes, de bonnes bonnes, de bonnes bonnes, de bonnes bonnes, de bonnes bonnes, on sert un peu plus sa belle, le samedi soir. Baptistin, dans l'occasion, a des petites situations en perdant sa boutique. Mais comme il m'est sympathique, Dino. Mais comme il m'est sympathique, Dino. Mais comme il m'est sympathique, alors je l'ai pris comme garçon. Et c'est lui qui sert à boire aux amoureux dans le noir, dans la baraque en planche. Du samedi jusqu'au dimanche, au petit bal du samedi soir. Oh. Je suis réveillé mal pris après une grosse gueule de bois. Lorsqu'à la télé ils ont dit l'épidémie est en phase 3. Restez dans votre domicile, on ferme tout de même les écoles. Au chômage les pédophiles, pour Polanski c'est pas de bol. Gare au Covid. Mon patron, cette vieille canaille, m'a donné sa bénédiction. Pour faire du télétravail, ça fait 5 ans qu'il me dit non. Ça lui ferait trop mal au cul que je me mette en arrêt. Moi, le petit trou de la sécu, je lui collerais bien à l'arrêt. Gare au Covid. J'ai cavalé au Super U pour aller faire des provisions. De dentifrice et de PQ, mais certainement pas de savon. Et face à l'ultime paquet d'un irritant sopalin, j'ai compris que je torcherais mon cul avec mes propres mains. Gare au Covid. Je courais les Champs-Élysées quand j'ai croisé une manif. Un peu dispersé, il est vrai, pour un CRS c'est jouissif. Peu hygiénique, les gilets jaunes traînaient par terre, cherchaient leurs dents. Au moins les flics, quand ils vous cognent, c'est avec un masque et des gants. Gare au Covid. Voyant mon voisin les mains pleines de farfale de macaroni, j'ai ressenti un peu de peine pour les confinés d'Italie. L'Europe aime fermer ses frontières et à Bruxelles fait surprenant. Les députés tous se tendent l'air tant le prétexte est alléchant. Gare au Covid. Fais l'erreur de m'informer sur Facebook et sur Instagram. Même sur Doctissimo, j'aurais trouvé des infos bien plus fiables. Figurez-vous que le virus donnerait aussi la diarrhée. C'est assommant car mon anus ne s'est jamais senti grippé. Gare au Covid. Au moins les femmes ont de la chance, pour une fois elles sont traitées. Sinon avec bienveillance, tout du moins avec équité. Car contrairement au mal, le corona est exemplaire. Sur l'égalité salariale, il paye à tous la même galère. Gare au Covid. En entrant dans une pharmacie, j'ai constaté que le rayon des préservatifs était aussi vide que le discours de Macron. Je vais donc m'abstenir, je crois, de sexe et de municipal. Entre la peste et le corona, on marche vers le Front National. Car au Covid. Il y a sur terre tant de choses délicieuses, des carottes, des pommes de terre, il y a même des légumineuses. Il y pousse du blé pour faire du bon pain. Il y pousse tout ce que vous voulez, pourquoi manger du pangolin? Si tu veux que ça croque sous la dent, pas besoin de mâcher des os. Les radis, ça craque tout autant, sans risquer de t'envoyer à l'hosto. Arrêtez de manger des trucs bizarres, s'il vous plaît. La vache molle, la grippe aviaire, on a déjà donné. Arrêtez de faire griller des trucs chelous au barbecue. Ça rend les gens fous, ils se battent pour du PQ. Nous voilà bien punis, on a l'air fin maintenant. Obligés de regarder LCI, obligés de regarder le président. Rester chez soi, coincé à la maison avec ses enfants, ça va peut-être faire revenir à la raison les militants anti-avortement. Quant à ceux qui ne s'arrêtent pas de sortir pour autant, c'est peut-être les plus malins. Grâce à eux, on va tous mourir plus rapidement et on laissera tranquille les pangolins. Mais arrêtez de manger des trucs bizarres, s'il vous plaît. La vache folle, la grippe aviaire, on a déjà donné. Arrêtez de faire griller des trucs chelous au barbecue. Ça rend les gens fous, ils se battent pour du PQ. Programming is supported by the Cedar Cultural Center. The Cedar's mission is to promote intercultural appreciation and understanding through the presentation of global music and dance. From world legends to up-and-coming new bands, the Cedar presents voices from around the globe with programming that includes global roots, folk, indie, experimental, bluegrass, Americana, and blues. A full list of events and tickets can be found at thecedar.org. Et voilà, we're back. Exactly. So what did we listen to, Freddy? We listened to, first it was La Marseillaise, the national anthem. Then after that it was Johnny Montreuil, avec Le Petit Bal du Samedi Soir. And you can hear his kid in the background. I believe it's his, but I don't have any proof of paternity. Plus he probably knows his kid probably knows the song un dimanche matin. Yeah, it's very likely. All these stories about Mobilette and stuff. Oh. And then we listened to Gauthier Sans H with Gao Covid. And the last one was Guédré avec SVP Corona Chanson. Voilà. So stop to eat weird thing because humans are fighting for toilet paper. Yes. So that's weird. All right. Well, we're going to listen to more songs. Yes, please. So now what's coming up is Soprano with A Nos Héros du Quotidien, to our daily heroes. And that's, Elena was saying that that's even more true now with

de la moula. J'ai dit donnez-moi de la moula. J'ai dit donnez-moi de la moula. Dalté comme sous l'axe, j'fume que de la moulax. Baiser sur tes max, le rétro gauche nique ma Rolex. J'suis tellement une moula qu'elle veut que j'la casse. 5 pistes que j'nique le game, putain le temps passe. J'ai même pas des saoulés. Eux enfoirés, les méchants, tu me reconnais. Les deux bois, les showcases, les tempêtes de la monnaie. Donnez-moi de la moula, une bouteille de cola, j'ai même pas décollé. Qui t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au V, c'est pas durable de caissier. Les aristocrates sont là que pour encaisser. Caissier, encaissé, je sens que je vais tout casser. Totorina, juste avant son décès. Guitarisé comme un mec d'ACDC. Donnez-moi de la moula, gars. Magic System avec le Bionix. Oui, voilà. Nous on est venus pour danser. On va faire le show. Ah. Yeah, hey, hey, hey, hey, hey, notre souglou là, on fait pas palabre. C'est ça le souglou d'Est. Programming on KFAI is supported by Southside Pride monthly newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Et voilà, on est revenu. Indeed. So what did we listen to? So the first song was Soprano avec À nos héros du quotidien, To Our Daily Heroes. You know, you say thank you and things like that. Then after that, we had Moulaga avec Eus l'Enfoiré. And the last song was Magic System with Zouglou Dance. That was moving quite a bit. Yeah, and we were actually moving in the studio. Yeah. Yeah, some. But we were moving, but respecting the social distancing anyway. Yeah. We didn't get too close. Each at a corner of the room. Of the studio. Yeah, but which one should we respect? Should we do the 6 feet from the US or the 1 meter from France? Because 1 meter is much shorter. Oh, yeah. But you're not my girlfriend, so let's go with 6 feet. Yeah, that sounds good. Even maybe let's do eight. Even more. Safe. Yeah, in case of bad breath. All right, so we're going to listen to more songs. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. More songs about confinement and, you know, lockdown. And friends have been living that now for, like, what, 2-3 weeks? Something like that? Mm-hmm. And friends? Yeah, for friends. I think it was the 16th. Okay. So almost 10 days. Yeah. So not that's quite the 2 weeks. That's the day after my mom... Or I think it started the day my mom flew back to France. Okay. Yeah. So she got back there right on time. Right on time to be locked up? Yeah. Sacré Christiane. Oh là là là là. All right. Alors, rate pas une. Ah non, non, non. So we're going to listen to more songs. Très bien. The first song we're going to listen is a good oldies. And that was the first French boys band, I believe. Oh, one of the first. Yeah, one of the first. Because there was also like Alliage, but that was at that time when boy bands were... pretty big. Yes. So it's 2B3. Mm-hmm. But in French, when you pronounce it, that's 2B3. 2B3, yeah. Être libre. Et the song is Partir un jour. Well, which was basically their only hit. Yeah, and that's good enough. Partir un jour means leaving someday, or leaving a day. Then we're going to listen to Maître Gims avec Je me tire, I'm leaving, I'm taking off. And Aya Nakamura avec Comportement. Eh bien, c'est parti. On y va. Poil au doigt. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner. Pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner. Ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder. Pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort.

Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux dire juste pour la rire. Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, Saint Paul, and streaming online at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. And we didn't play all the songs. All the song Aya Nakamura, but we will just in a minute. But I wanted to let people know that next week is going to be Pledge Drive. Mm-hmm. We want to be very full of empathy, and I know it's a hard time for everybody these days and for more people than others. But as I was saying earlier, you know, like if you can help your local artists, that'd be great. But KFAI has no choice but still maintaining the pledge drive because of course we need to function and and keep the lights on. So and donner. Yeah, and from a budget standpoint, it's not like we have a lot of cushion. We don't actually. Yeah. according to what I understand, I'm not in the numbers, but next week we really rely on donations. Right. So next week will be pledge drive. We won't have phones like before. It's just we will encourage people to donate online. So and I'll probably make some posts on Facebook and things like that. And Facebook is going straight to the donation to us as well when it's going through that. All right. Also, if you know, we know of a few French businesses, you know, that kind of struggling right now. Mm-hmm. So if you can make them work, like some of our previous guests, for example, are offering to-go meals and they can even deliver. And those are small businesses that really need you right now. Right. All right. So we're going to get back to Aya Nakamura avec Comportement. And now we're going to play more. So we're going to play Roméo et Juliette avec Les Rois du Monde, Kings of the World. And from the musical. Yeah, from the musical. And it's and Chime with Femme de Couleur. Eh bien, c'est parti. On y va. Comme d'habitude, connais, connais ma fille. Mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher? Trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher? La malade a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, stop, stop, où j'ai dit. Tous ceux qu'on auront ramé, à la fin auront gagné. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. J'suis un compo, compo. Comportement. J'suis un compo, compo. Comportement. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis un compo, compo. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais y'a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. Qui confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit ma vie, vous dire un peu d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur. Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent sans se connaître. Les vagues ramènent l'écho de la vie, et les oiseaux chantent à la fenêtre. Le parfum de la liberté, l'enfant au visage métissé qui regarde son père pour voir comment faire. Les bons conseils qui feront de lui le grand frère. Le sable chaud qui réchauffe les cœurs. De simples mots pour parler de bonheur. Ces mémoires qui redonnent le sourire. L'envie de vous chanter mes souvenirs. Vous parler de ma vie, vous dire un peu d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur. Je viens de là où le soleil brille, où les gens se parlent avec le cœur. Le vent des îles a fait de ma vie un océan de couleurs. Cultiver la différence, s'éloigner de l'intolérance. Affronter mes peurs en pensant au calme, à la douceur, en chantant. Le sable chaud qui réchauffe les cœurs. De simples mots pour parler de bonheur. C'est mes mots qui redonnent le sourire. L'envie de vous chanter mes souvenirs, vous parler de ma vie, vous dire un peu d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur, j'ai mon île au fond du cœur. Faut en parler, vous parler de ma vie, vous dire un peu d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur, j'ai mon île au fond du cœur. Et voilà, nous sommes de retour après quelques chansons. Exactement. So we just listened to Aya Nakamura avec Comportement. Mm. Then it was Le Roi du Monde avec It's from the theme of Romeo and Juliet, la comédie musicale. And the last song was Chime avec Femme de couleur. Mm-hmm. And we're going to listen to more songs because tonight there's no events to talk about. Actually, there are some events that are organized online. Yeah, that's true. Yeah. Yeah, so check out, like, I know the Alliance Française have started to do some things online. Bon, coucou... Minneapolis? French... coucou Minneapolis. I know they have, like, a, I can't remember when, but they have, like, a café conversation online. Okay. For a fee, but that's for, you know... to chat practicing. And, yeah, and I know also the French American Chamber of Commerce, they advertise for some online events. Okay, well, so that's very good. I had a hard time following up these days, but we'll put them on the Facebook page. Mm-hmm. So that's we'll share whatever we can. Yep. All right. Well, we're gonna listen to more music. The next song we're gonna listen to is from Gradure. Ah, Gradure. Ah, Gradure. Hein, parce qu'il y a le gras double. Il y a le gras mou aussi. Oui, puis le gras double. Exactement. Ne reviens pas, featuring Us l'enfoiré. And Soul King avec Ça fait des années. And it's a duo with Cheb Mami. Mm-hmm. And Alizé avec Moi Lolita. Mm-hmm. The original or the remix? It's a reloaded okay. remix. Yeah. So mm-hmm. it's close to the original. Okay. It's closer. All right, on y va? Et allez. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Toute la nuit, j'ai mis 30 bouteilles sur la table. Donc forcément, elle me donne son stop. Que des moules dans le cas, je vais filer bourré. Tu t'es vu avec moi, mais c'était qu'un rêve. Tellement de folle, tellement d'oseille. Depuis, je célèbre. La boîte ne m'appartient pas. Si je veux, je l'achète. Faut que tu coopères. Si tu veux pas, va pas ton Uber. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Les bouteilles de collal, violent comme Conan, Myriam ou Morgan. Je l'ai chargé en mégane, je repars en bécane. J'ai pris la ruche et j'ai viré la gitane. Jamais en pagane, toujours en bénéf. Deux heures après, on retourne la capitale. Bébé, s'il te plaît, reviens pas. De toute façon, j'ai déjà benda. Ça y est, tu reconnais. C'est le Che et la moula. La roula, les oula. Bébé, non, ne les écoute pas. Je les baisais, je suis coupable. Introuvable comme Sosa. Besoin de lover, besoin de love, besoin de lover, pas besoin de love. Personne pour me sauver, si je tombe dans la gueule du loup. Ah. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, an emigwini, who is funny honk honk, an emigwini. Comme ça. Ça fait des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, un emigwini, spediniti, un emigwini. Comme ça. Besoin de lover, pas besoin de love. Personne pour me sauver, si je tombe dans la gueule du loup. Ah, comme on le voit son nez, je répondrai à l'appel. Enterrez-moi à la zombie, la clé de chez moi sera une simple pelle. Ah, La roue tourne, je négocie les virages. T'as voulu me noyer, tu m'as appris à nager. Le soleil viendra après l'orage. On était fous, aujourd'hui on s'est assagis. Quand tu croiras que c'est fini, le destin te frappera encore plus fort. Et quand Dieu t'aura béni, y'aura plus personne pour te causer du temps. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, ah, ah. Enemagwini, où est-ce qu'on y rentre? Enemagwini, comme ça. Ça fait des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, ah, ah. Enemagwini, spediniti, enemagwini, comme ça. Mashi gardi el dibiyo, shofi el dinya dar taliyo. شبابي وصغري راح عليا سبابي نيتي هاللي بيا ما عندي ولي انا مانيشي غالي هاد الليلي كترة هوالي من شباب راحت الدنيا قولي وين تتولي ليا راني في العذاب زادت تركيا مالك ازهر درت عليا من شباب غابت النيا من شباب غابت النيا وهذه الدنيا دارت عليا. صافي ديزاني كو لي فلور اون فاني. ويا انا مكواني ويصراني هابطة انا مكواني كومسا. صافي ديزاني كي نوزون كونداني. ويا انا مكواني سبادينيتي انا مكواني كومسا. باريزيان دو نور كلوندو دابور اكتيف دون لا ميوزيك سون باسبور. Africain du Nord, Clando d'abord. Active dans la musique sans passeport. Enemagwini, où est Tony Hawk? Enemagwini, Maghrébin du Nord, Clando d'abord. Enemagwini, Spediniti, Enemagwini. Active dans la musique sans passeport. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, Enemagwini, où est Tony Hawk? Enemagwini, comme ça. Ça fait des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, Moi je m'appelle Lolita, Lou ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la à fourrir aussi, fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita, l'autre philo, amour diluvienne. Moi Lolita. We are back. You're still listening to Bourgeon Minnesota on KFA Radio, and this is Freddy and Romain. C'est ça. Fidèle au poste, so still on the job, as long as they let us do it. I got ready. I mean, we have about two pre-recorded shows that we can launch if there was a complete lockdown, but it's kind of nicer to be there in person. Of course. So yeah, indeed, I caught up. I did a little bit of catch up during the songs, and so they have the Alliance Française on the 25th and on the 26th, 27th. They have free beginner trial, free advanced conversation trial class, and free beginner trial class. Everything is online, mm-hmm. So feel free to check our Facebook page. The events have been added. There's also a panel discussion of politique and languages. It's on the 27th. And there's going to be a Poisson d'Avril, a craft workshop en français. It's on a Saturday on the 28th. So let's go back to what we listened to. We did listen to Gradure avec Ne reviens pas, Don't Come Back. And after that, it was Sulking avec Ça fait des années, It's Been Years, featuring Cheb Mami. Mm-hmm. And the last one was Alizé avec Moi Lolita. And it was a remix, but it was kind of close to the original. It was, that was at the very beginning of her career, and you can really recognize the Mylène Farmer's style. Yeah, that's true. Yeah, that's very close. Yeah, and it was one of the first show about, you know, talent show. Yeah, called Grande Star. Mm-hmm. Yeah, and she won in 1999. Nice. So, yep. All right. So I had also more requests from the group La Quarantaine through Lina, who's mm-hmm. with Vistas in Education. And one of the songs was Pour que tu m'aimes encore. And because we played it not that long ago from and Céline twice, Dion. Twice, I think, like within a couple of weeks, I remember. Oh, my God. Yeah, well, I keep track of everything. Total OG. This one is the version from Chaton. Ah. Well, I mean, first we're going to listen to Amir avec J'ai cherché. Mm-hmm. I looked. And... But after that, it's going to be Pour que tu m'aimes encore, but it's a version from Chaton, which is a new artist mm-hmm. In France. And then we're going to listen to Angèle avec Balance ton quoi. Ça, c'est très bien. I'm very glad I got your approval. Mm-hmm. All right. Eh bien, allons-y. On y va. KFAI's Spring Member Drive starts March 25th. In light of the current health climate, this will likely be a very different drive with reduced phone support. If you regularly support your favorite program, there's no reason not to contribute early at kfai.org. Or you can get a step ahead of the drive and call the station during normal business hours at 612-341-3144. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Tu m'aimes encore, oh, oh, oh, oh, oh, Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes. Ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Où je serai poli pour la télé. Mais va te faire en peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en mmh. Où je serai poli pour la télé. Mais va te faire en mmh. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Ouh, hey. We're back. Yes. Tour balance ton quoi. Yes. We almost went into Coco Caline, but that oh. will be for after. Yeah. And yeah, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. I was able to look into, you know, the event I was talking about, the Alliance, and we were talking about the French-American Chamber of Commerce, mm-hmm. and they indeed offer, and there's no fee for the members, a webinar building your personal and professional brand virtually. And that is tomorrow online from 9 to 10. So go to our Facebook page and find the event, or go to their Facebook page. And there's another event from 11:30 to 1:30 called Webinar, Build Your Resume, Pitch Yourself. So check them out. That could be interesting. And we just listened to Amir avec J'ai cherché. J'ai cherché. Ooh. Ooh. And Chaton avec Pour que tu m'aimes encore. Mm-hmm. And the last one was Angèle avec Balance ton quoi. Mm-hmm. Balance ton pourquoi. Yeah. Exactly. Yeah. All right. More music? Eh ben oui. No ads at this time? There was no ad? No. We had just one for the hour. Oh, okay. And I already played it. So, okay. No, I was looking too. It's been on the very quiet side lately. So, yeah. If you know businesses that wants to play some ads, feel free to have them contact the main KFI, office of KFI, yeah. KFI.org, you can shoot an email or things like that. That will help us you know, support the studio and everything. So now we're going to listen to Julien Doré. Like Coco Caline. Exactement. How do you know that? I don't know. I think I have like a sixth sense. Oh, liar. Yeah. And then Natacha Saint-Pierre avec Mourir Demain, Dying Tomorrow. Yeah. Written by, well, if that's what they request when they are confined, that's not very uplifting. Yeah. It's also featuring Pascal Obispo. Well, because he wrote the song. Yeah. Yeah. And Tarzan avec Abby Batty. Très bien. On y va. qui referaient leur passé. Certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient. D'autres qui prieraient. Ceux qui s'en fichaient seraient des plaisirs. Puis d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Du jardin ont fané. Il n'y a que moi et ma mélancolie. Je leur ai dit je ne changerai jamais, mais je suis prêt à tout juste pour voir ton sourire. Crois-moi quand je te dis je suis pas Aladdin. Et qu'à tout moment le bateau peut chavirer. Donc t'étonne pas si je suis plus là demain. Les vagues sont trop fortes pour les naviguer. Habibati, habibati. Je pense à toi depuis que je suis parti. C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit. Mais j'ai préféré tout laisser au lieu de mentir. Habibati, habibati. Je pense à toi depuis que je suis parti. C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit. Et maintenant tu me détestes. Oh mon alayoum. Habibati, ana kunti bahlam bik bi'aynik. Wama yastanna libi. Oh mon alayoum. Habibati, ana kunti bahlam. Maman, je vais pas te mentir. Avec moi, tu n'auras jamais la lune. Mais je vais tout faire pour te ramener les étoiles une par une. Ne t'inquiète pas. Toi et moi, sous l'odeur d'une Vespa, personne pourra nous tester. Et si on le fait pas, on se consolera en disant que c'était le destin. Et c'était le destin. Habibati, habibati. Je pense à toi depuis que je suis parti. C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit. Mais j'ai préféré tout laisser au lieu de mentir. Oh habibati, habibati. Je pense à toi depuis que je suis parti. C'est vrai que j'aurais pu rester quand tu l'as dit. Et maintenant tu me détestes. Oh mon alayou. Habibati, ana kunti bahlam bik bi'aynik. Wama yastanna libi. Oh mon alayou. Habibati, ana kunti. استنى قلبي يا مورا يا محبيبي ما جالي نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يا مورا يا محبيبي ما جالي نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يا مورا يا محبيبي ما جالي نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يا مورا يا محبيبي ما جالي نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت Et voilà. We are back. And I'm supposed to do a shout-out. Shout-out. Yeah, to Plume. And she'll recognize herself. All right. And did you dedicate Chaton for... for Plume. So we just listened to Julien Doré avec Coco Caline from his album End. And I really like it. Yeah, and the whole album. Yes, and that song, if you want to check it out, the music video is really funny because it's Julien Doré on a stage dressed as a big panda for the whole song. Yeah. So I highly recommend watching it. That's the video is very uplifting. Yeah. Yep. And it's the album where there's also Porto Vecchio, Ton Echo, Le Lac. I mean, it's... It's very and you know that Le Lac in the music video, he has a special guest, Pamela Anderson. I think she was. I don't know if at the time she was already dating the guy from PSG. No, from from Marseille, OM. No, she dated someone from PSG. But also from Marseille because she lives in Marseille with him. Oh, okay. I think it's from OM. Well, I don't want you to get in trouble with Patrick. No, so, I'm not in trouble with Patrick. Okay. No, because if you say that he's from PSG, but he's actually from OM. They lose all the time anyway, so. So we also listen to Natacha Saint-Pierre avec Mourir Demain, Dying Tomorrow, featuring Pascal Obispo, and Townsend avec Abby Batty. Because we're about 5 minutes from the end, I guess there's still, we know Balkan Jamboree is going to happen at some point, but yes. Whenever Nicolai is coming, we're going to say goodbye now and we're going to keep on playing music until he shows up. Yes. Donc, bonne nuit, bonne semaine. Yeah. Stay safe. Yes. And you'll hear us. Next week, hopefully. Yeah, I should be there. Yeah, but I say hopefully if, you know, there's not like a total shutdown. Even if there's a total shutdown, We're in essential business, services, yeah. We save lives by playing music. And then, we're going to listen to Jean-Pierre François, a good oldie. Je te survivrai. The guy was a soccer player. Yes, he was. Professional soccer player. Yeah. And all of a sudden, he recorded one song and it's a big hit. Yeah. And then Francis Cabrel avec L'encre de tes yeux. And Voyage, Voyage, originally from Desireless, but this one is a remix from André Haïdi. Ou André Haïdi. Mm. We'll see. Okay. Eh bien, au revoir tout le monde. À la semaine prochaine.